Dis donc, il est giron ton petit sommelier. Le bon cru. Et bonsoir à tous, bienvenue dans les bons crus. Vous êtes avec les sommeliers du rap. Salut. De retour. De retour à, au complet. Hein. Au complet, exactement. De retour comme d'hab. Mais c'est ma dernière émission, les gars. Et je vais vous laisser après. Enfin, les auditeurs vont apprécier ce petit retour. Ouais. Vous voyez pas Simon nous laisse. Je voyais pas mon visage, mais une larme s'esquisse sur le coin de ma joue. Ah. Mais on te retrouvera peut-être à la prochaine saison. Bien sûr, bien sûr. Pour de nouvelles aventures. Et du coup, ce soir, moi je pars en Belgique pour boire de la bonne bière. Non pas que, mais je veux boire de la bonne bière. Et ce soir, on a la bière du mois, donc ça me fait plaisir. Ouais, et le responsable de la bière du mois, ce mois-ci, c'est Julien. Yes. Du coup, pour cette bière du mois, j'ai pas fait quelque chose de très complexe, premièrement, parce que je suis plutôt quelqu'un... J'aime les bières, mais... Pour tout vous avouer, je ne suis pas un grand et fin connaisseur de bière. C'est-à-dire que entre une très bonne bière de qualité, même si je suis en train de m'améliorer hein, avec Jérôme et Simon, entre une énorme bière de qualité et une bière de supermarché haut de gamme, on va dire, parce que bon, bien sûr, entre une Kronenbourg et une IPA un petit peu plus, je vais reconnaître une différence. Mais je pourrais pas te dire il y a tant d'arômes de ceci, de cela. Je suis plutôt quelqu'un du vin. Je suis plus technique sur le vin que sur la bière. Mais on fera bientôt les bons crus avec du vin. Ouais. Il faut le faire. On est les sommeliers durables, donc faut élargir tout ça. Exact. Donc du coup, j'ai pris une bière. Je me suis pour plusieurs raisons. Premièrement, la bière que j'ai choisie, je me suis rappelé que Jérôme me l'avait fait déguster quand on était tous les deux en train de faire une émission, et j'en avais un super souvenir. Ensuite, je reviens du ski. Du coup, elle était, c'est une bière de Savoie. C'est exactement ça, non, Jérôme ? La Mont-Blanc, je sais pas. Attends, non. Alors déjà, j'ai spoilé le nom de la bière, ouais. c'est la brasserie, du Mont-Blanc. Donc du coup, comme j'étais dans les Alpes, le Mont-Blanc, je me suis dit, super. Mais ce qui m'a fait dire que c'était une de Savoie, c'est le petit, le petit sticker, la petite croix. Ah oui, c'est le drapeau de la Savoie. C'est le drapeau de la Savoie, donc pour moi, c'était une bière savoyarde. Et Jérôme, lui, me l'avait fait goûter en rousse, et là, elle était en blanche. Donc je me suis dit, une brasserie du Mont-Blanc blanche... ça jetait grave. Donc, si vous voulez avoir un peu une idée d'à quoi ressemble cette bière, c'est l'étiquette, c'est un... C'est le Mont-Blanc, c'est l'incarnation du Mont-Blanc. Ouais, c'est l'incarnation du Mont-Blanc avec un homme, en fait, qui tient une bière dans la main. C'est dessiné avec, du coup, les couleurs bleu, rouge et blanc. Et avec le petit drapeau, du coup, de la Savoie. Écoutez, santé les gars, déjà. Hein ouais. Santé. Avec les bruitages et tout. Exactement. On s'y croit. Et donc, la particularité de cette bière, c'est qu'elle est brassée avec l'eau des glaciers. Mm-hmm. C'est une première particularité. Et c'est une bière à la coriandre et aux écorces d'orange. Une bière blanche. On sent les petits côtés épicés en fin C'est clair. On sent d'abord l'agrume peut-être, et après on sent ce petit parfum épicé. Ouais. Très agréable. Vraiment pas mal. Et ce que je disais avec Jérôme, c'est que c'est quand même... Ça se trouve en supermarché, mais c'est vraiment de la bonne bière de supermarché. C'est de la bière qu'on peut trouver à peu près partout, mais c'est aussi bien d'avoir, je trouve, des bières comme ça. C'est pas de l'artisanal, mais c'est une bonne bière. Et franchement, pour une blanche, déjà, elle a vachement de goût. Elle a vachement de goût et on sent bien cette écorce d'orange. Elle est un petit peu sucrée. Ouais. Pour moi, là, c'est ma bière des raclettes, des tartiflettes. Ah ouais, moi, j'aime bien boire avec ça. Moi, les blanches, j'imagine toujours ça un peu plus sur des saisons chaudes. Mais pourquoi pas. Ah ouais, non, mais quand tu n'as pas envie de boire du vin et que tu te fais une petite raclette ou... Mais elle est légère, hein. Elle est légère. Mais on sent bien ce goût de froment, vraiment, je trouve. Et c'est vrai qu'avec les raclettes, je pense qu'elle doit être bien parce qu'elle a pas trop de bulles. Non, mais il n'y a pas de débat, moi je confirme, c'est excellent avec une raclette. Ouais, mais parce que Jérôme, c'est un peu l'expert des bières avec ici. Avec du fromage en général, ça a l'air bon. Ouais, carrément, du fromage plutôt fromage même sans fondant. Dur, du fromage fondant. Ouais. Pas fromage à pâte dure, je sais pas. Bon, Alors, l'accord bière et rap maintenant, parce qu'on est aussi là pour écouter du rap, faut pas... Mais du coup, quand... Alors, le ski, le Mont Blanc... Les poudreuses. La poudreuse. Oula. Ça brille de mille feux. Je me suis dit, je suis obligé de mettre un morceau qu'avait été intitulé un assemblage de trois personnes, enfin d'un groupe et de deux autres rappeurs qui avait été nommé Glacier Boys. Ça me fait penser, voilà, le glacier, le Mont Blanc, Glacier Boys. Voilà, donc c'était Glacier Boys, c'était Gucci Mane. C'était un projet de Gucci Mane qu'il voulait faire avec Migos et Lil Yachty. Il n'y a pas eu l'album qui est sorti encore, mais apparemment, ils avaient enregistré tout un album entier Glacier, qui devait sortir, qui devait s'appeler Glacier Boy. Et finalement, on n'en a plus jamais entendu parler. Et mais il y a quelques titres qui ont fuité quand même. Ouais, il y a dont ce titre Solitaire qu'on va mettre, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé et qui m'a fait penser à ce glacier des Monts Blancs et cette bière blanche. C'est parti. I'm out, pussy. It's your worst nightmare. Glacier. Huh. I was just sitting in a cell playing solitaire. Now they see me everywhere, brushing it full of solitaires. Solitaire, solitaire, nigga, ill, solitaire. Bad bitch run for a lot of deal, said she love them solitaires. Put me for the crib, 1.5 just to keep me chill. Put my neighbors here, Jack and Jill, stitch up up the hill. Fiji water, talking Aquafina, glass crystal clear. Ice there, ice here, I just ice the atmosphere. I'm walking real light. It's on like skating on ice. Yo, ho wanna fuck my vibes. Hunt your breath, pop those pies. Try to gang and we dumping. Glacier boy, it's a global warming. Now everybody wanna come joining. Niggas born in it ain't sworn in. I was just sitting in a cell playing solitaire. Now they see me everywhere, brushing it full of solitaires. Solitaire, solitaire, nigga ill, solitaire. Bad bitch run for a lot of deal, say she love them solitaires. Bitch, I don't play no solitaire. I'm a fucking millionaire. Trap stars everywhere, bad hoes everywhere. Right wrist, $250,000, that's no lie. Left wrist, off a guess, I put it in the sky. All my stones single, man. They ain't with the mingling. Them done smashed the whole club, but we ain't with that kinky shit. Walk be on that Mickey shit. My whole clip rock it. Looking at the robbers like, y'all ain't finna take shit. Glacier boy, amazing shit. Your jeweler ain't a bonus. Crazy diamond bracelet, I'm jealous of my own wrist. You ain't spent a million yet, you probably won't agree with this. Major lows compete for us, we keep on copping pieces. I was just sitting in a cell playing solitaire. Now they see me everywhere, brushing it full of solitaires. Solitaire, solitaire, nigga ill, solitaire. Bad bitch run for a lot of deal, say she love them solitaires. Et on est toujours dans les bons crus. Donc voilà, on continue à siroter notre petite bière du Mont Blanc qui est fort savoureuse. Ouais, exact. Et délicieux, accompagné d'un petit saucisson. Tu sais, chips Tyrol. Tu sais avec quoi je l'aurais bien mangé ? J'ai goûté un truc savoyard que je connaissais pas. Alors les gens vont dire, ouais, il est un culte, il connaît pas. Mais tant pis, je connaissais pas. Et c'était c'est une croziflette. Une quoi ? Non, mais moi, croziflette. Je connais pas non plus. Hein. Ah ! Attends. C'est comme une tartiflette. Exact. Avec un autre type de fromage. Non. Même fromage, mais avec, à la place des pommes de terre, c'est des crozets. C'est des petits carrés pâtes, de pâtes de sarrasin. Ah, mais spécial oui, de Savoie. Je connais les crozets. J'ai entendu parler, jamais mangé. Mais c'est une croziflette. Ouais, c'est très, très, très, très bon. Incroyable. Et cette bière aura été en accord parfait avec cette croziflette. J'ai faim. comment rebondir? J'espère que vous avez mangé, les gars. Bon, on va passer maintenant au dilemme. Yes. Donc, Julien arrive aussi avec un dilemme. Ouais, mais je suis all-in. Il arrive. All-in pour moi. Du coup, j'ai choisi un dilemme et j'ai choisi aussi un débat. Ouais. Bon, on va commencer par le dilemme. Ouais. En fait, c'est ma spéciale. Je suis là, je suis dans les cordes. J'essaye de lutter. Donc, du coup, j'ai choisi un dilemme plutôt simple. Est-ce que vous préférez, sur un son, ce qui vous ambiance le plus, c'est un rappeur avec une voix aiguë, enfin, pas forcément aiguë, on va dire, avec une voix plutôt claire ou avec une voix plutôt rocailleuse, grave? Ouais. Voilà, parce que... En vrai, c'est pas évident comme débat, dilemme, je veux dire, non, de choisir entre les deux. Non, mais il y a des voix qui montent plus facilement dans les aigus et des voix qui ne font pas du tout. Par exemple, Rick Ross, c'est une voix grave. Ouais. Young Thug, c'est une voix aiguë, mais très aiguë. Mmh. Donc du coup, il y a des aussi... Et après, c'est le entre qui est compliqué. Ouais. Donc voilà. Mais compliqué de choisir entre les deux. Oh ben... extrêmement compliqué. J'ai pas envie de répondre tout de suite et je vais laisser Simon. Ouais. C'est extrêmement compliqué. S'atteler à la tâche. Après, les réponses ne sont jamais, voilà, faut nuancer évidemment, hein, c'est jamais blanc ou noir. Donc moi, je me suis dit souvent voix grave ou aiguë, j'associe ça aussi à voix chaude ou voix plutôt froide. Des fois, il y a des voix qui, je trouve, sont, je sais pas, je pense à 50 Cent par exemple. 50 Cent, il avait une voix super chaude. Je trouve ça. Ouais, mais pour moi, 50 Cent, c'est plutôt une voix aiguë. Ah ouais. Alors pour moi c'est un mec qui a la voix grave mais qui a une voix de tête en fait. Ouais, qui peut fait, I was the best friend. Ouais. Ouais mais il arrive à faire les deux, mais il a quand même une voix grave naturellement dans son. Ouais mais sur 21 questions sur enfin sur son. Moi je trouve qu'il y a plein de sons quand même où... Moi je dis dans l'ensemble tu vois après évidemment si on fait des spécificités. Non mais c'est vrai que c'est compliqué. Il a des petits. Non, mais c'est ça, c'est très compliqué. Il y a la façon de chanter et il y a déjà la nature du timbre. Ouais donc tu vois je vais me contredire à moi-même donc tu vois c'est vrai que ça peut être une voix aussi mais pas très grave non plus. Ouais. C'est une voix plutôt normale. Ouais. Bon disons qu'en général j'associe ça quand même voilà voix grave, voix chaude, voix aiguë, voix froide. Et j'avoue que si je devais écouter pour le reste de ma vie que des rappeurs qui ont la voix grave ou que des rappeurs qui ont la voix aiguë, bah, des fois je les prends comme ça, les dilemmes comme ça, je me dis qu'est-ce que je vais vraiment choisir. Et bah, je choisirais quand même voilà, des gens qui ont une voix grave un peu, je sais pas, douillette, tu vois, où tu as l'impression de, quand tu les écoutes chanter, quand tu les écoutes rapper, c'est bon, tu es sur un petit nuage. Donc là, j'ai pris un son en fait qui est vraiment deux rappeurs qui ont la voix très grave pour le coup. Voilà, on n'est pas sur de l'entre-deux, ils ont un timbre, voilà, c'est tout de suite reconnaissable. Donc c'est Reggie Snow, le rappeur irlandais, et qui rappe avec Loyal Corner, le londonien. Donc ils ont tous les deux vraiment un timbre de voix très reconnaissable. J'avoue que Reggie Snow, on peut le confondre facilement avec Tyler, the Creator, au niveau de la voix, mais qu'au niveau de la voix. Donc, Tyler, voix très grave. Très grave, et Reggie Snow, franchement, sur certains titres, c'est... Et pourtant, Tyler, sur le dernier album... Il a poussé un peu ça, essayer de faire des voix de tête comme disait. Ouais. Sur le sur morceau Earthquake. Là. Ouais, Earthquake. Donc là, je vous propose une petite balade clairement de Reggie Snow. C'est vraiment un beat assez lent. C'est un titre qui est issu de la première mixtape de Reggie Snow sortie en 2013. La mixtape a été retirée d'internet pendant 3 ans. Genre ça a disparu complètement et ça a réapparu en 2016. Donc là, il y a plein de gens. Des gens qui le kiffaient, qui ont tout téléchargé évidemment. Et donc le son s'appelle 1992. Je propose qu'on l'écoute tout de suite. Smoking my cigar, puff, puff, that's that shit. Was born in 92, she was 86, I mean 93. She to make a brother stiff, dark blue eyes, caramel lips. Mama was a preacher, daddy kinda rich. The year of 92, I mean 93. This little boy Reggie, the birds and the bees. 3 was the age, and read it from the page. Confusion occurred, and daddy got rage. Back in 92, Dr. Dre came. The chronic in my room, daddy would play. I started making raps around 98. When Big L died, the Lord give and takes away. The greatest of the greatest, the worst of the worst. Fall in love way too easily. used to treat them nice, and now I treat them like they're treating me. But this isn't me eagerly, cause I'd rather retreat up where the sweeter be. But if it's unrequited, then it's right for me to flee the scene. Like 96, seems my daddy might have dipped, and that was it. Me, I was two, so now I couldn't give a shit. But better view when the clever grew, stepping out askew, he was bruising to prove the news. Never show him up if I did, I never wanted to tell the honest truth when he would ask me. Silent sitting in car seats while he's hitting the palm trees, I'm with him and he'd be steady grinning. The lights reflecting off his gold teeth are blurring my vision, but the walls continue spinning, playing the victim. That was his position, hear him speaking some wisdom to women without any vision. Mama wishing, sat reminiscing, she couldn't kiss him. The truth is he was still useless, we wouldn't miss him. Continue notre, notre dilemme, voix grave contre voix aiguë. Donc, c'est plutôt moi qui vais m'y coller maintenant. Ouais. On laisse Julien terminer le débat, le dilemme avec son, son avis. Donc, mais moi aussi, instinctivement, je me suis dit, je préfère les voix graves. Mmh. Je trouve ça plus chaleureux. Je sais pas, moi j'aime bien... J'aime bien Barry White. Ouais. J'aime bien ce, ce genre de... En fait, il y a un côté très feutré. Ce bon Barry. C'est ça. Donc, bien sûr, j'ai pensé à Rick Ross. Il y en a plein, hein, je veux dire. Et en fait, au moment où je devais choisir un rappeur à la voix grave, j'ai quand même galéré. Parce qu'en ce moment, j'écoute que des rappeurs qui ont la voix aiguë. C'est... Qui vont chercher des flows. On en parlait hors antenne un peu, les nouvelles générations, les... ceux qui poussent sur l'autotune aussi... Qui vont chercher plus à, voilà, à chercher les dans les aigus des nouveaux flows. Les... Ils expérimentent de ouf avec leur voix, ouais. Dont les aigus qui avaient peut-être été un peu oubliés d'ailleurs. Enfin, dites si je me trompe, mais quand t'écoutes, le rap 90. Quand t'écoutes Lou Wu-Tang, ils ont tous des voix. À part Ghostface, ils ont tous des voix. Voilà, il y a Ghostface Killa. La voix aiguë, la voix aiguë, c'est quand même associé plus à la non-virilité. Et dans le rap des années 90, disons que. Pas que, après quand tu pas prends que, la pas West que, Coast, mais il y avait, comme il s'appelait Non mais pas que, mais par exemple Outkast. Outkast, ils ont commencé à faire des voix aiguës. Comme tout, Warren G, il avait une voix aiguë. Ouais. Enfin pas que, Nate Dogg aussi. Mais c'est des voix, en fait c'est pas des voix aiguës, c'est des voix suaves et un peu voilà, qui montent ça, dans les aigus, tu vois. C'est chaleureux comme disait Jérôme. C'est pas Ghostface, Ghostface c'est vraiment lui. Ah, Ghostface c'est une voix aiguë. C'est ça. Mais voilà, moi en ce moment... Jay-Z il a une voix aiguë. C'est clair. Ah ben je trouve, enfin moi je trouve qu'il a une voix aiguë. Ouais, non mais j'ai Jay-Z, ouais ouais. Comme plutôt, Kanye plutôt. Aussi. Hein. Ouais. Enfin, voilà. Si je dois trier vraiment aigu et grave, je suis vraiment des. Voilà. Oui après voilà s'il y a que deux catégories, voilà faut bien. Non mais en vrai il y a entre deux et puis chacun a une voix unique, mais si on devait faire un classement comme c'était le dilemme, voilà. Bon donc j'ai eu du mal à me décider, mais au final c'est quand même ce que je préfère, les voix graves. Yes. Et puis un de mes rappeurs préférés qui a la voix grave, mon bon futur. Et PNL. Puis c'était. On va pas revenir dessus. C'était le moment de reparler un peu de futur vu qu'on n'a toujours pas consacré d'émission spéciale à futur. Non mais ça va, tu fais du lobbying. Semaine prochaine, c'est émission spéciale futur. Je le dis, au moins on l'aura fait. Voilà. Et il a sorti un petit morceau fort sympathique. Ouais, tu vois, ça y est, il est parti. Avec le bon Drake. Et ah franchement, ils forment un bon duo, les deux. D'ailleurs, c'est moi qui te l'ai envoyé, mais ils font le... Life is good, le morceau. Enfin, tu me l'as envoyé, mais je l'avais déjà écouté trois fois quand tu me l'as envoyé. T'avais pas vu le clip. T'apprends rien sur Drake. J'avais pas vu que le clip était sorti. Ouais, mais par contre, là, ils refont l'album, un album commun, là. Ah, j'espère. What's the time to be alive 2. Ouais, c'est prévu. C'est le nom ou... Je sais pas si c'est le nom, mais... En tout cas, le single s'appelle Life is good. Il y a d'abord Drake, du coup, qui a plutôt une voix aiguë. Bah oui. Alors que, je sais pas, des fois, je l'aurais... J'aurais voulu le classer dans les voix graves, mais je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il fait une musique plus aérienne. Mm. Mais bon. Et Drake derrière, enfin Future derrière, qui fait un super couplet. Voilà. J'en dis pas plus. Donc tu mets ce morceau-là. Ouais. En fait, je vais passer que des morceaux récents que j'ai saignés. Donc ce petit Life is Good, c'est vrai que j'aime beaucoup. Yes. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? Niggas gotta move off my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got a paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dumb shit. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean? Like, 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, call it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, granted, she was standing right there while I catch play on the brick. Ooh, I made them little niggas go haywire, Taliban in this bitch. Ooh, I done been down bad in them trenches, had to ride with that stick. Ooh, who gave you pills, who gave that dust, Pluto sent you on the lick. Ooh, too many convicts. They enrolled me to play in this shit. Ooh, round about nonsense, get old, so I'ma spread in this bitch. Ooh, they had the counter light, lighting it up, nigga, anybody can get it. Ooh, I'm on a PJ, lighting it up, backwood full of sticky. Ooh, I'm tryna tote that Draco in London, and it's extended. Ooh, they gotta stretch a nigga, how we gon' die for this shit? Ooh, yeah, I ride for my niggas, I lie to my bitch. Ooh, we some poor, high class niggas made it, we rich. Yeah, I was at the band though, got a penthouse for a closet. Ooh, it's like a Shando, live on my neck, my wrist. Ooh, I got pink toes that talk different languages. Ooh, gotta put melazine in my blood and Percocet. Yeah, 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, call it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. That's by the time I call him Serena. I go tremendo for new fettuccine. All fat though, claret the pinky. All fat though, we order the Fiji. I'm in the loop with the voo. I'm in the loop with the woo. Which one you working? I put your face on the news. I put the puss on the shirt. After I murdered it, make him go shoot up the hearse. Cost me a quarter bird. Nigga's birthday and you a maniac, a fucking alien. How you spurging? Got that kitty cat on, having fun with that. Going Birkin. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, call it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Et le dilemme fait rage même hors antenne. Mais grave. On n'arrête pas de dire à chaque passage, mais là c'est aigu, mais là c'est grave. Mais... Ouais, mais c'est dur. En fait, voilà, après, Julien qui fait de la musique, ça l'aurait il plus a aussi une autre vision que les auditeurs Ah ouais, mais je me prends pas pour un expert. Hein, mais non, non, mais juste moi, je pense la culture de. Non, pas forcément l'oreille, mais la lecture de se dire. Des octaves, mais en fait, qu'il y a différents types de voix. Ouais. Après, quand t'écoutes, par exemple, pour mon cas, quand t'écoutes La Prune, ND, il a une voix grave, et moi, j'ai une voix aiguë. Ouais. Donc là, tu le reconnais bien. Là, c'est facile. Ouais. Là, c'est pour facile. Le coup, ouais, pour le coup, c'est très différent. Bon, du coup, Julien, c'est à toi maintenant. Ouais, c'est à moi. Mais moi, pour ce dilemme, j'ai cherché à peu près 0,00001 millième de seconde et j'ai trouvé mon rappeur préféré du monde entier. Il a une voix aiguë, à mon sens, bien sûr. Il y en a qui vont me dire, ben non, il a une voix grave, mais quand il pousse la voix un petit peu, c'est plus dans l'aigu. Donc pour moi, c'est Pimp C, pour moi, c'est voix aiguë par. Enfin, c'est la plus belle des voix aiguës que je peux écouter. Non, je trouve que ça me caresse les oreilles, c'est magnifique. Mais ouais, j'en entendrai plus jamais d'autres nouveaux couplets, à moins que je crois que c'est sa mère qui a des records apparemment de lui qu'elle doit revendre à des millions ou j'en sais rien. Est-ce que t'en voudrais ou pas des trucs, non, des trucs posthumes des fois. Non, j'en voudrais pas. Après, ça me suffit ce qu'il a sorti là, quand même une bonne discographie de qualité. Il nous a légué un bel héritage. Exactement. Et puis, on va écouter un de ses classiques. On va écouter Pouring Up avec Mike Jones, qui est aussi une voix aiguë. Alors, sur ce morceau, il y a du School and Shop. Ouais. Et c'est les passages que je préfère. passages vraiment où la voix est très grave. Ouais, ben, j'avoue, j'aurais pu mettre DJ Screw, qui fait que des Screw. C'est pas un rappeur, mais c'est un DJ grave, on va dire. C'est ça. Allez, c'est parti. Smoke some bitch. My trademark. Young Pimp. Know what we doing? Smoking hot, throwing up, putting dick up in your slut. All my cars I love in wood, in my hood they call it buck. Smoking hot, throwing up, putting dick up in your slut. All my cars I love in wood, in my hood they call it buck. Smoking hot, throwing up, putting dick up in your slut. All my cars I love in wood, in my hood they call it buck. I'm smoking hot, throwing up, keeping lean up in my cup. All my cars I love in wood, in my hood they call it buck. Ripping grain, switching lanes, selling cocaine out of candy thing. Jamming Lil Wayne, got a trunk of bank, cause I'm a hot boy. Like a hot flame and my hoes pay me. Just like baby, that's the only way they can lay me. Niggas who slug but they ain't graze me. They want sweet Jones, be pushing days. But you slow and lazy, you can't fade me. That's the reason I knock you lady. How you gon' pimp with your dick up in her? I told the pimp guard that you was a sinner. You taking them square hoes out to dinner. Your bitch chose me cause you want a winner. I mix her whole head up like a blender. Whole need a daddy, use up a tender. I used to be a young drug dealer. Now I'm a young drug stealer. I hit the three just like Steve Jackson. Niggas say my name, watch your bitch reaction. Sweet Jones or Sweet Jane. Switch my name, I'm fit to fuck the game. The nigga fell off with the rap was shitty. Pussy nigga need to move up out the city. The game gritty, but the bitch pretty. Let me snout some white girl up off the titty. You heard me right, we play with our nose. Wear platinum pizza with the coochie clothes. Pay my dues, I ain't came to lose. I wear Marvin, black mink, tennis shoes. In the wintertime, mink coat to match. Mink on the floor in my candy mask. Smoking hot, throwing up, putting dick up in your slut. All my cars I love them wood. In my hood, they call it buck. Smoking hot, throwing up, putting dick up in your slut. All my cars I love them wood. In my hood, they call it buck. Smoking hot, throwing up, putting dick up in your slut. All my cars I love them wood. In my hood, they call it buck. I'm smoking hot, throwing up, keeping lean up in my cup. All my cars I love them wood. In my hood, they call it buck. I'm coming out that candy thing. 8 cans in my pocket, rain. Drop the top in the parking lot so y'all can see, but it just a swing. Candy paint what I'm flipping on. 84s of all what I'm tipping on. Momo wood grain I'm gripping on. I said candy paint what I'm flipping on. 84s of all what I'm tipping on. Momo wood grain I'm gripping on. Codeine in cup I'm sipping on. I hold the land in that candy train. Swinging left to right, then I turn up the bang. I'ma say for those who don't know my name. They call me Mike Jones and I flew up quick. I say the name. Can't tell by the wrist. I sit on buck and that candy six and I keep that thing real handy, bitch. I keep a trill like pimpin' bun. Do hoe bad and leave him on the run. Cause I don't got no love for him but hard dick and bubble. I said I keep a trill like pimpin' bun. Do hoe bad and leave him on the run. Cause I don't got no love for him but hard dick and bubble. I said I keep a trill like pimpin' bun. Do hoe bad and leave him on the run. Cause I don't got no love for him but hard dick and bubble. Smoking hot. growing up, putting dick up in your slut. All my cars got leather and wood in my hood, they call it buck. Smoking hot, growing up, putting dick up in your slut. All my cars got leather and wood in my hood, they call it buck. Smoking hot, growing up, putting dick up in your slut. All my cars got leather and wood in my hood, they call it buck. I'm smoking hot, growing up, keeping lean up in my cup. All my cars got leather and wood in my hood, they call it buck. When a bullet slab out and hit the block on them foes and bows, that clank and knock when their trunks pop. Cops drop, don't be surprised if you go in shock with them neon lights. Candy paint, built some buckles across the back. Don't disrespect the call, this a caddy. Baby, this more than just a lack. Some like the white, but I'ma go to green. Purple drove up in the Swisser. Grummy lady sitting on the grill. Wood grain to grip, it's hard to miss us. We G, so don't dismiss us. Been here before, gonna be here later. Down with that, you understand the G code. If you don't, then use a hater. And so I can't roll with it. Ain't how I do it, man. I'm from Texas, PA, to be exact. Well, let's do it, man. UGK for life is the family. That's how we get on. Bring them trio niggas to your hood and shut your shit out. Player, you need to sit out. You out of your league. Trying to keep up with the trio, you just might die of fatigue. You can't carry the load, you can't handle the weight. Not like them boys about that Lone Star State. So get it straight, we be smoking hot, growing up, putting dick up in your slut. All my cars got leather and wood in my hood, they call it buck. Smoking hot, growing up, putting dick up in your slut. All my cars got leather and wood in my hood, they call it buck. Smoking hot, growing up, putting dick up in your slut. All my cars got leather and wood in my hood, they call it buck. I'm smoking hot, growing up, keeping lean up in my cup. All my cars got leather and wood in my hood, they call it buck. Vous êtes de retour dans les bons crus, ça veut dire qu'on enchaîne un Pimsy et bien sûr une petite virgule de UGK. Je ne vais pas la répéter, on la met à chaque fois, mais c'est que du bonheur. Du coup, j'ai choisi aussi, excusez-moi, un dilemme. Un débat. Ouais. Un débat. Il faut appeler les choses parce qu'elles sont. Parce qu'elles sont, ouais. C'est une question ouverte en fait, c'est là où le dilemme est une question fermée. Un débat. Alors, donc là, on a vraiment repris le format de. J'ai posé la question, donc du coup, à. Ouais, le format qu'on avait fait cet été, ouais, sur Ola Radio. Du coup, là, le débat, c'est est-ce que. Donc, Simon, mm-hmm, et Jérôme, et moi-même, est-ce que les rappeurs stylés sont-ils les meilleurs au final? Est-ce que les rappeurs stylés dans les habits sont-ils les plus performants? Ouais. Ou est-ce que les rappeurs mal fringués et tout ça, finalement, se concentrent plus sur l'essentiel de la musique? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le style aurait un lien de corrélation? Oui. Est-ce que le style aurait une importance dans la réussite du rappeur? Ouais. Okay. Et formulé autrement, comme tu nous l'avais dit aussi. Est-ce que le rappeur fait le moins? Non. On va y arriver. Est-ce que l'habit fait le rappeur? Exactement. Voilà, c'était ça la question exacte. C'est vrai, merci Jérôme, je ne l'avais pas de sous les yeux. C'est est-ce que l'habit fait le rappeur? Est-ce que l'habit fait le rappeur? Bon, je pense qu'on a tous compris la question, l'essence, ouais, de la, ouais, question. Alors moi, j'ai élargi ça même au-delà un petit peu de juste des vêtements. J'ai élargi ça vraiment au personnage. Oui, bien sûr. Et donc, je vais parler d'un rappeur qui, quand on me l'a fait découvrir, je me suis dit, mais vraiment, ça peut marcher ça? Et donc, ce rappeur, c'est Action Bronson. Hey. Quand je l'ai découvert en 2012, un truc comme ça, on m'a dit ce mec-là, c'est un ancien cuistot. Je me dis, ok, intéressant quand même, un rappeur new-yorkais, ancien cuistot. Je vais voir sa tête, je vois un mec en surpoids avec une énorme barbe rousse, des tatouages partout. Je me dis, ouais, c'est assez original dans la proposition visuelle. Avec une voix aiguë en plus. Ah ben, une voix volée à Ghostface qu'il a. Ah ouais. C'est ce qu'on lui a reproché souvent. Et Ghostface lui a reproché. Début, mais, ouais. Mais plus maintenant. Ça, ouais, à mon avis, il a essayé quand même de. Mais c'est vrai qu'il avait un petit peu la. Mais on a tous le droit d'être influencé dans la vie. Hein. Exactement. Donc on m'a dit, ce gars-là, c'est un ancien cuistot. Bon, ça m'a intéressé, j'ai été écouté. Il se trouve que Action Bronson, c'est quand même. c'est pas mal. Je dis pas que c'est génial Action Bronson, mais il y a du bon. Très bien Action Bronson. Et ouais, il a du moins bien. Ouais, du... Pour moi, dans ce truc un peu boom bap, tu vois, pour moi Action Bronson, il fait du boom bap 2.0 au final. C'est pour, ça, pour c'est moi. Du revival. Et c'est il ça. A fait le meilleur morceau de boom bap que j'ai entendu de ma vie. C'est le truc Harley. Comment oui. il s'appelle le morceau. Oui, c'est... Comment il s'appelle ce morceau? Harley, je sais plus quoi, à la fin. Où il y a des bruits de moto à la fin et tout. Là. C'est incroyable oui, attends, morceau. Je l'ai plus Rider, en tête. Celui qui fait Easy Rider. Easy Rider. Ouais, meilleur morceau de boom bap du monde. Pour moi. Hein. Alors, c'est pas vraiment du boom bap pour moi. Mais j'aime pas boom bap. On l'avait passé dans l'émission Easy Rider. Easy Rider. On l'avait passé dans l'émission rock, rap. Une ouais. fois. Ouais, il y a une grosse influence rock. Ah oui, mais guitare, clairement. Qu'on entend ouais, tout mais du je long. Le trouve délicieux en fait, franchement. Et du coup, bon, je me suis dit, c'est clairement le rappeur parfait pour se répondre à ce dilemme, parce qu'au final, je le trouve que c'est un excellent rappeur. Et alors là, j'ai choisi un morceau avec un des mecs les plus stylés du rap game, A$AP Rocky. Un mix entre les deux, donc là, je trouve que c'était ouais. nickel. Donc en fait, t'as pas pour, choisi. Pour toi, en fait, pour toi il a pas le style du rappeur. Donc, bah, donc ta réponse à la question, c'est que Labi ne fait pas le rappeur. Non, Labi fait pas le rappeur parce que pourquoi un mec, comme j'ai dit, qui serait ancien cuistot, un peu en surpoids, avec une barbe rousse, blanc, et qui est pas forcément qui a pas, enfin je sais pas, bref, je me tu suis dit que non, cases, on s'en ouais. fout en fait, on s'en fout de l'apparence et tu peux être hyper chaud sans avoir vraiment l'apparence d'un rappeur. Ou en ayant ouais. tous les codes. Après, je te dis, est-ce que ça a son importance ou pas? C'est pour toi, est-ce que ça a son non. importance non, ou non, pas? Moi, je dis pour ça toi, aucune... ça n'a pas son importance. Non, moi, ça n'a pas son importance dans la qualité de la musique. Mais non, moi, je dis ça a son importance dans l'appréciation peut-être que tu vas avoir de l'artiste. Moi, je sais qu'un mec comme A$AP Rocky, par exemple, que je trouve stylé en fait dans ses vêtements, dans son style en général, je trouve que ça rajoute quelque chose à l'artiste. Mm. Je trouve que ça rajoute un côté sur les clips, sur plein de choses. Ça a un avantage, mais est-ce que vraiment l'apparence, le style influe sur la qualité de la musique? Je pense pas. Mais du coup, je trouve ça intéressant aussi ce petit feat A$AP Rocky. Donc, c'est un morceau qui est issu de White Bronco, album sorti en 2018, dont la couverture a été faite aussi par notre ami Action Bronson, puisque au-delà d'être cuistot, d'être animateur télé, il est aussi peintre à ses heures perdues. Tu sais qu'il fait aussi du pinard en France, oui, du vin nature, à la dans la Loire. Avec, comment il s'appelle? Avec dans le Loire avec ou en Bourgogne? Le fameux Clovis. Non, c'est en Massif Central, je crois. Massif Central. Mais t'avais okay. pas vu l'émission Vice sur Vice? Si, je l'ai vu, je vois qu'il boit des tonnes. Ouais. Il fait du vin. Il se balade dans Paris, il boit, il fume des pets. Voilà. Profitez-en, hein, parce qu'à mon avis, son espérance de vie, elle est en chute libre, hein, à cet homme-là. Je l'adore, hein, mais. Et tu sais qu'il se dit qu'il se lève à genre à 5-6 heures du matin tous les jours. Et... Mais je sais pas si je dois y croire, franchement. Bon, bref. Jérôme. C'est parti. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. La música de Harry Fry. The style icon, about to get the dough like Taquan, beat the pythons. When I fuck, I like to leave the lights on. I'm just a piece of art, all these tattoos hidden under bracelets on my right arm. Shit, I need some Tiger Balm, I don't even like the song. Yeah, I skirt 9-11's better with that other one. Man, these pussies love to run, but they always run her up. I ain't with that funny stuff, yeah, I'm about that money up. Leave them sunny up, give them tummy tuck. Bronson always hit that fucking target, never dummy luck. In these fucking streets, you get your collar pop for 20 bucks. And I'm just focused on these hoes that's on the honey nuts. I swerve on them, skirt on them, swerve on them, swerve on them. High as fuck, your boy almost hit the curb on them. Swerve on them, swerve on them, skirt on them. Looking like you need some help, throw a bird on them. Had a funny feeling, you frontin'. Every time I see you, you phony. Bitch, everything Donny, jabroni. Everything in golly, little homie. Ever since my childhood, I've grown to be establishing, don't miss me, just notice me. I make a green, call me Jodeci. Man, I ride like you slow to leak. Niggas no block with Jody. Took a toke, nigga, pour the lean. Feeling stomach pains, nausea. Yeah, had me absent, no notary. No, nothing to sober me up. Fell asleep, go to sleep. My nigga still asleep, rest in peace. Ready or not, here I come. Man, I feel like a refugee. You just captain, save a ho-ho screaming, come rescue me. Man, I came for the best, so who claim they the best? Swore she knew what was best for me. When she left, took what's left for me. I swerve on them, swerve on them. Skirt on them, swerve on them. Swerve on them, swerve on them. Your boy almost hit the curb on them. Had a funny feeling, you frontin'. Every time I see you, you phony, bitch. Everything Donny Jabroni, everything ain't golly, little homie. Ever since my childhood, I've grown to be established and don't miss me. Just notice me, baby. Just notice me. I'm in the green Lotus G, try not to go to sleep. Don't let the devil take control of me. My eyes closed, but I know where I'm going. It started snowing, and I started dancing, and I started crying. Bitch, it's Johnny Handsome. I dive off boats, jump out of planes, ass naked, swerving Maserati trucks in the rain. Man, it's all about the hunger and pain. Into this jungle I came, with these drugs all in my lungs and my veins. Had a funny feeling you frontin'. No. Don't say you phony. Everything Johnny Jabroni. Everything Jolly little homie. Et voilà, on est toujours dans ce débat. Donc, yes. Moi, j'ai dit que l'apparence, on s'en tapait. Mais... Next. À moi, alors. Vas-y. Mais pour moi, en fait, c'est que l'habit fait quand même le rappeur, le construit. J'ai tout de suite pensé, à l'inverse, à des rappeurs que je ne pouvais pas dissocier de leur style. Mm. Les rappeurs masqués, notamment. Kekra. Kekra, voilà. Bon. Mais il a grave de style, Kekra. Tu m'as grillé direct ma Désolé. Cartouche. Oh. Non, mais il a grave. Non, mais tu dis masqué, je pense à lui tout de suite. Mais bien sûr, on pense à lui aujourd'hui. Il a grave de style pour le coup. Il a du style. Mais c'est vrai que tu peux pas dissocier justement son masque et toute cette apparence. C'est de ça. Kekra, c'est vrai. Franchement. Parce qu'on a que ça, en fait. Ça rajoute un. Comme toi, tu disais quand même que ça rajoute un truc. Ça rajoute. En fait, je dis que ça rajoute un truc, mais que c'est quand même pas. Enfin, on s'en fout en fait. On peut, moi, on, ça le on fait peut avoir dans... zéro style, on peut avoir. Ouais, et être bon, ouais. Et être bon, tu vois. Ouais. Mais évidemment, ça rajoute un truc. Et on peut avoir du style et être mauvais. Mais bon, ça, c'est encore. Ce sera peut-être dans la réponse de Julien, je sais pas. Mais moi, pour ma part, je me suis dit, quand je prends ces rappeurs masqués qui se construisent autour d'un personnage ou d'une allure, d'un style, bon, il y a Kekra. Donc, Kekra, je précise pour les auditeurs qui nous écoutent pas d'habitude. Parce que sinon, ils connaîtraient Kekra. Ouais. qu'il est masqué et qu'il utilise souvent au départ des masques un peu de japonais, enfin les masques qu'on porte en Asie pour ne pas contaminer les autres personnes quand on est malade. Ouais, surtout en Chine. Ouais. Ouais. Bon. Moi j'étais en Chine il y a pas si longtemps que ça. Ouais, donc, mais je sais pas si t'as vu, ils ont trouvé à cause de quoi ça venait. Les chauves-souris une soupe à la chauve-souris insupportable. Franchement, pourquoi déjà vous non, mais ils forcent. Franchement, ils forcent. C'est normal qu'ils soient malades. C'est pas sûr. Ouais, que mais ça, si, mais... ils forcent. Franchement, enfin, c'est trop. C'est pas de la science. On s'écarte du débat là. Avant que Kra, bien avant, il y a eu des rappeurs bien plus iconiques comme MF Doom. Exact. Lui, il est indissociable de son masque pour le coup, et il en a porté plusieurs. Et à chaque fois qu'il avait un masque différent, c'était un rappeur différent. Un personnage différent. Et tu vois, ça n'allait pas juste au niveau de l'apparence. C'est que ça influait sa musique et ses paroles. Ouais, lui, il avait clairement poussé le truc. Ouais. Par exemple, quand il fait un album avec Madlib, Matt Villani, il n'est pas MF Doom. Il est un autre personnage, le Matt Villain. Enfin, tu vois, c'est pas le même masque. Mm-hmm. Non, clairement, tu as pris un bon exemple avec les rappeurs masqués parce que eux construisent vraiment une grosse partie de leur personnage et de leur des rappeurs qui sont grâce à leur apparence, ouais. Et grâce au masque quand même. Après, je pensais aussi à la drill, mais c'est moins évident. Mais c'est juste que ce genre musical s'est construit aussi autour de plein de rappeurs qui masquent leur identité. Ouais, mais pour le coup, là, la drill. Dans des clips où t'as 15 mecs avec des capuches et des cache-cou noirs jusqu'aux yeux, là pour le coup, tu vois, ouais, c'est fait, tous les mêmes en fait. Ouais, c'est mais genre, eux pour le coup, ouais, c'est l'inverse, c'est que ils sont comme anonymes et là pour le coup, c'est vraiment faut briller sans être le plus stylé. Alors que Kekra MF Doom, c'est clairement dans MF Doom, il a quand même un masque de gladiateur, donc ouais. On le remarque. Et Kekra, bon, il a des grosses lunettes. Il en a plein des masques, ouais, il a changé plein de fois de style, mais ça rentre dans le style. Maintenant, on a vu ses grills. Ça, c'est la petite nouveauté. Bon, bref. Ah, qui a Kekra ? Ouais, bah d'ailleurs, c'est le morceau que je vais passer. Donc, un freestyle qu'il a fait au Japon. Ah, avec Bouska. Je suis content que tu le passes. Avec un média qu'on ne citera pas. Concurrent, quoi. Non, mais bon, je veux pas avoir de problème avec les tweetos. Donc, ça s'appelle Bousca Césarienne. Ah ouais. Non, mais ça, il fait des bêtes de freestyle. Et il fait des belles envolées lyriques ouais. Avec une voix très aiguë. Très aiguë. Ouais. Ouais. Battement entouré policier. Ouh. C'est lourd. Donc j'ai voilà, moi quand ouf. Même, voilà, pour moi, c'est pour certains rappeurs, voilà, le style est indissociable et a une influence sur leur musique. Et voilà. Donc je rajoute un peu. Ouais. Une après, franchement, pour le coup, après, il faut dire sur ce morceau que Crash, je trouve, bon, personnellement, sur ce morceau, c'est il a vraiment, je trouve, levé le niveau de ouf. Ouais. Il a inventé ce nouveau flow. Bah, de toute façon, c'est toujours, il dit toujours nouveau flow, nouveau flow, nouveau flow. Et au final, il fait toujours un petit peu les mêmes choses. Là, il s'est vraiment chauffé. Et en plus, Jérôme m'en avait parlé, ça vient de quand Bouscapé l'a suivi. Au Japon, il ouais. a perdu le pari et il a dû faire un morceau. Mm-hmm. Et il a fait ce morceau-là. À mon avis, il l'avait en stock, mais bon. Fin... Ah non, il est censé en sortir un deuxième. Ah, il est censé en sortir un deuxième. C'est ça, en fait. Il va le faire. Donc j'espère qu'il va sortir le deuxième freestyle. Parce que là, Mais là, je pense qu'il est bouillant et il va se chauffer. Après, ça fait un moment qu'on dit dans cette émission, c'est l'année de Kekra et tout, mais en vrai, pas si petit à petit, ça se construit. Ouais. Mais bon. Presque, on a envie que ce soit l'année de Kekra et qu'il pète. Bon, on s'en fout. Pour moi, c'est son année depuis 10 ans. Mais ouais, voilà, c'est ça. Il est bon. Mais enfin, il est toujours. Depuis le premier Freebase, il a toujours été chaud. C'est ça. Il y a un peu plus d'un an, je disais quoi de neuf dans le rap français depuis Vréel. Ah ben ouais. En plus, Vréel, c'est Trill, c'est comme le pimp, il connaît. Il a un peu les mêmes références que moi, du coup, c'est pour ça que je l'aime bien. Je trouve délicieux un petit peu ce rappeur. Bon, on va l'écouter et puis ce sera ton tour de répondre au débat. Ouais. Césarienne. Arrivé leur fait effet d'alien. Pas touché à la couronne, c'est la mienne. J'fais des mains sur place comme Tiananmen. Le pilon fait mal comme une césarienne. Arrivé leur fait effet d'alien. Pas touché à la couronne, c'est la mienne. J'fais des mains sur place comme Tiananmen. Bâtiment envahi, policier ouf. J'déguise les SS en Deliveroo. Le bout du jeu touille, faut que la trouille. J'remplis mes fouilles avant qu'elle douille. J'suis dans le coup, Chicago Bulls. J'm'en bats les couches, j'compte pas compter les douilles. Bitch, ça me souffre, l'adversaire en boule. Bitch, ça me souffre, l'adversaire en boule. Je me balade, la conquête des valeurs, la pente que je savonnais. Yeah. Ça gagne des salopes, la carrière, peu de banane, Mario Kart sur Panami. Yeah. Un malade, c'est fou, y'a que la mif qui envahit le goût. Maintiens le four devant la foule, plus rien à foutre, fais les ça. Le pilon fait mal comme une césarienne. Arrivé, leur fait effet d'alien. Pas touché à la couronne, c'est la mienne. J'fais des mains sur place comme Tiananmen. Le pilon fait mal comme une césarienne. Arrivé, leur fait effet d'alien. À la couronne, c'est la mienne. J'fais des mains sur place comme Tiananmen. J'vois plus personne comme une que j'n'ai de rousse. Des GSE pour mes premières écoutes. Pas le temps de regarder mes vues sur YouTube. J'dois m'en aller, frérot, check la soucoupe. J'ai mis les gaz dans le bellec aux secousses. Brigade intersidérale à mes trousses. J'carmais la tempête, ces enfoirés tous. J'reprends mon chemin direction la source. Direction le plug, il faut de la fraîche, you know. La commande est prête, ressort de la presse, il faut de la fraîche, you know. Va falloir nous suivre, préparer au pire. L'ouvreuse nous a bipé, c'est bon. J'arrive dit au petit de baisse. C'est le bon, le vie avant que je pète le plomb. Wow. Le pilon fait mal comme une césarienne. Arrivé leur fait effet d'alien. Pas touché à la couronne, c'est la mienne. J'fais des mains sur place comme Tiananmen. Le pilon fait mal comme une césarienne. Arrivé leur fait effet d'alien. Pas touché à la couronne, c'est la mienne. J'fais des mains sur place comme Tiananmen. Alors Julien, chaque fois que j'entends cette virgule, je sais pas pourquoi, je crois que c'est 6ix9ine. En fait, c'est pas du tout 6ix9ine. D'ailleurs, il est mal 6ix9ine là. Il a plus de garde du corps. J'espère qu'il va mourir, bordel. Non mais je suis sûr, il y a des paris sur lui, sur sa tête. Faut pas se souhaiter. Mais je souhaite pas la mort. Mais franchement, j'espère qu'il va lui arriver un truc au moins, que ça soit drôle. Moi, je préférais qu'il sorte un album. Ça serait un truc de ouf. Bon Dieu, que ça serait drôle. Bah, ouais. Après, hey, franchement, s'il gagne, tant mieux pour lui. Hein. Avec des featuring ou pas ? Mais moi, je préférerais carrément que le mec sorte de prison et qu'il nous fasse un album et que ce soit l'album de la snitch, quoi. Comment il arriverait à rebondir ? Enfin, ce serait incroyable. Est-ce qu'il ferait des phases dessus et tout ? On devrait faire un truc, comment 6ix9ine pourrait rebondir ? Non, mais ouais, y a pas mal de journalistes qui sont... Des journalistes américains qui suivent pas mal le procès et qui se disent qu'il va peut-être réussir à s'en sortir finalement en fait bah dans ouais, la musique. Enfin, je crois qu'il a des mecs qui sont prêts à lui signer des contrats. Ouais, comme quoi en fait ils vont très loin là-dedans en fait. Il y a plus d'honneur, il y a plus rien, il y a plus. Ils pensent que ça peut. Enfin aujourd'hui ça peut peut-être vendre. Hein. Après ça vendra peut-être pas aux fans de rap tu vois mais. Après il y a des mecs à mon avis qui vont refuser de faire des featuring avec lui. Hein. Absolument. Ouais. Je crois même qu'il voulait faire un film ou une série sur. Ça c'est possible. Histoire. Mais là c'est bon en plus là les rappeurs c'est bon ils sont lâchés, ils commencent à faire des phases hein, sur Snitch 9 hein. Ouais. C'est bah sur le bon j'en parlais en antenne, le dernier Octavian, il commence ça par, ah ouais. Ouais. Stylé. Il dit j'espère que Snitch 9 il va pas qu'il reste loin de moi quoi, genre. Ah ouais. Snitch pas. Mais apparemment c'est un agent du je sais pas quoi, un agent double ou je sais pas quoi là. Bah il a tout balancé. Franchement le mec il s'est tatoué la gueule, il est dévoué à son travail. Putain, franchement, c'est chaud. Ouais, il est foutu à vie, quoi. Il a... C'est comme si je bossais à grand frais, que je me tatouais grand frais. Quoi. C'est chaud. Les mecs, ils sont. Mais non. Ils sont chauds. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce débat-là ? Est-ce que l'habit fait le moine ? Moi, j'ai cherché et je me suis dit, est-ce qu'il y a un rappeur que j'aime bien et qui n'est pas stylé ? Tout simplement. Après, stylé à sa façon, attention. Ouais. Ça peut être, ne pas être stylé pour certaines personnes. Bien sûr. Mais voilà. J'ai pensé, je me suis dit, bon, quel rappeur est pas stylé et que je pourrais kiffer ? Tout de suite, j'ai pensé à Eminem, j'ai dit c'est de la merde. Du coup, j'ai dit il est flingué. À une époque, il était stylé. Il n'a jamais été stylé. Enfin, il avait un. Non. Ça a toujours été un blaireau. C'était un style flingué. Ouais, ouais c'est un blaireau. Ça a toujours été un blaireau. Après, du coup, je pensais à. Ben, on va en parler, je pense à Pimsy. Mais Pimsy est stylé à sa façon, avec ses petits manteaux de fourrure et tout. Il était stylé. Et après, je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que... Machin et tout ça. Et j'ai pensé au rappeur le plus stylé. Ben, ça reste Cameron. C'est le rappeur le plus stylé de tous les rappeurs. Ouais. C'est le papa de tous les mecs stylés. Franchement, enfin, Dipset, c'est les mecs les plus stylés. Avant... Ben, pour moi, enfin, ça fait partie des mecs les plus stylés. Avant Cameron, il y en a eu des stylés quand même. Oui, plein. Mais Biggie, tu vas pas dire qu'il était stylé, tu vois. Non. Non il était clairement flingué. Non, il avait un perfecto des... en cuir, un petit kangol et tout. Ouais, il était hip-hop. Mais tu vois, Cameron, lui, avec ses trucs roses, ses fourrures roses et tout, il était beau. Et puis tous les mecs du Dipset, de toute façon, hein. Joel Santana, Jim Jones et tout, ils étaient tous, je trouve, enfin moi, à l'époque, je les trouvais hyper stylés, quoi, franchement. Clairement, ils étaient connus pour ça aussi. Voilà, donc pour moi, je pense pas que le... Enfin, c'est très important, je pense, le style d'un rappeur, au final. Parce que malheureusement, les gens, ils consomment maintenant la musique avec l'image. Ouais. Et si l'image n'est pas bonne, les gens n'achètent pas, en fait. Parce que les gens, ils ont envie de s'identifier à un truc qu'ils ne peuvent pas atteindre. Tu vois, par exemple, quand tu vois les rappeurs avec des, je sais rien, des sacoches Louis Vuitton, qu'elles soient fausses ou pas fausses ou quoi que ce soit, machin, tous les rappeurs français, tu vois, ils sont... Moi, je trouve qu'ils sont pas stylés parce que je n'ai pas le même style qu'eux. Mais les petits jeunes, tu vois, moi, j'ai mon neveu. Il écoute Kobalade, il est petit, il a 14 ans, il kiffe de ouf et il trouve qu'il est trop stylé, tu vois, ouais. Avec son survêt de foot et tout. Après, parce que moi, je suis un vieux con et que je trouve qu'il est pas stylé, mais ça, c'est un truc de vieux. Mais Cameron, pour moi, il est méga stylé et donc, du coup, j'écoute finalement, tous les rappeurs que j'écoute, c'est des rappeurs méga stylés. Ouais, selon toi, en tout cas. Enfin, voilà, selon ça, mes, selon mes critères de voilà. Mec stylé. Exactement. Mais chacun a un geek qui joue à World of Warcraft, il va te trouver un mec stylé parce qu'il a un jean et un t-shirt World of Warcraft. Tu vois ce que je veux dire Tout est relatif. Donc finalement, on est tous le... C'est comme dans la vie, tu vois. Tout le monde est le con de quelqu'un. Il n'y a pas de débat là. Hein. Donc au final, non, moi je trouve que par contre... Après, Cameron, ça a quand même été dit, les mecs du Dipset, ils ont quand même été dit que c'était des mecs stylés au final. En tout cas, ils ont un style à part. Ils ont clairement redéfini le style dans le rap. À un moment donné, en tout cas. Mais personne portait du rose avant Cameron. Exactement, le rose. Et le violet. J'allais y venir, le rose. Ouais, rose et le purple, mais même après. Voilà. Les vestes de baseball énormes, là, en cuir. Bah ouais. C'était eux. Bah ouais, c'était eux. Donc au final. Mais même, je pense que des mecs comme Asap Rocky sont inspirés un peu des styles de mecs de New York comme eux. Enfin, tu vois, ça tranchait, je trouve, pour des mecs de New York, leur style, par rapport aux mecs qu'il y avait, tu sais, tout en noir, tout vraiment sombre et tout. Tu vois, eux, ils étaient flashy à côté. C'est ça. Et je trouvais ça vraiment cool. Voilà, donc j'ai passé un morceau de Cameron et c'est tcha-ching, ça, ça, ça brille, tu vois. Allez, c'est Tipa. Et le morceau ne se lance pas. Ah là là. Bon, alors, j'avais prévu ça, parce que c'est pour ça que j'ai prévu deux morceaux. Et que du coup, j'ai pris un autre morceau que je suis en train de réfléchir pour un mec qui est tout aussi stylé. Il y a... Y a... J'ai Bugatti et Gotham City, donc c'était lequel là? Non, oui, Crookie. Ah ouais, ben voilà, mais c'est toujours un morceau de Cameron, voilà, Cookie and Apple Juice. Désolé, parfait. Parce que, ouais, c'était, j'avais pris deux morceaux de Cameron parce que l'entre, il y en a un qui était encodé bizarre et je me suis dit dans le PC, ça marchera pas, ou je, mais je l'ai quand même pris. Bon, on va donc on Cookie and Apple Juice, ouais. Mais, il me semble qu'on l'avait. On l'avait déjà passé, c'est pour ça que je voulais pas le repasser, ouais, mais bon. Dans écoute, l'émission spéciale Deep Set. Yeah. Mais écoutez, on réécoute ça. Allez. I won't kiss her, make me hug her, but I don't even like her. I might get it, hit it, split it, but yo, I'll never wife her. I'll Rowdy Roddy Piper, but when she can't decipher, love from fucking, no fussing, buzzing, she on my cipher. Come through in a Viper, goddamn, I might white like her. Yeah, she straight, but get it straight, underestimate, I might just dike her. You fightin' fuss, wanna bite her, lock the girl down just like Rikers. I ain't gotta do that once I hit your shit, the damn bitch a lifer. This dude wanna write her, email, text, and type her. He a runner, I'm a gunner, baby girl a sniper. Roll the blunts up, mom, I'ma get the lighter. And have you squirting for certain, yeah, bring a diaper. Milk lemonade, I'ma fuck the renegade. Handguns, hand grenades, meet me at Santa Stays. Baby boy, go hire a squadron. My crib got more poles than a fire department. Cookies with some apple, you. Cookies with some apple, you. I ain't mad at you, cookies with some apple. I ain't mad at you, cookies with some apple. I ain't mad at you, cookies with some apple. First lady, so wavy, Lady the Burgess, it's the burp lady. Hold him sitting up, you know it gets crazy. No, I'm not your girl, but I could be your baby. Yes, baby, I'm sexy. Why you really, really girls wanna test me? Cause I'm fly high, floating with a jet ski. That's why your man wanna sex me. Yep, he said I'm cute. Try to throw me in the loop. Hit me when he hungry. Lick my cookies, drink my apple juice. Apple coupe, zoom, zoom. Horseshoe Porsche, vroom, vroom. Zoom, zoom, and up, boom, boom. Smash real fast, got up out his room. Classy, yet I get nasty. Nasty, but never trash. She bright like, yes, bitch, I'm flashy. No, you will never pass me. Ask me, ask who, ask you. I'm sick, something like flu-flu. You stink, something like a zoo-zoo. Lay low, you know what to do, boo. Cause you don't want no problems. Please trust, girl, I will solve them. Four, five, yes, I revolve them. Now it's hell up in Harlem. This for that Midwest, down south. Dirty, dirty, bitches, ketchup. Tie your shoes now, have a habit. Cookies with some apple, you. Cookies with some apple, you. I ain't mad at you, cookies with some apple juice. I ain't mad at you, cookies with some apple juice. I ain't mad at you, cookies with some apple juice. Milk, milk, lemonade, round the corner for your name. Cookies with some apple juice. I'm just trying to get paid. Milk, milk, lemonade, round the corner for your name. Cookies with some apple juice. I'm just trying to get paid. And some apple juice, cherry jeeps, apple coupes. No hassle, hit 'em with the gavel, asshole, my whole staff will shoot. What could the bastard do? They run, we run this town, we'll run you down, they'll laugh at you. Damn, no looking mommy shaking a dairy air. Fuck Christmas, you can have a merry year. Where you wanna go? Everywhere, what you wanna do? Let me hear. I'm talking Vegas, I don't do them teddy bears. But I do do the fishnets, pre-ejaculation to get my dick wet. But I'm trying to get your lips wet, doggy style facial, huh? Welcome to Dipset. Cookies with some apple juice. Cookies with some apple juice. I ain't mad at you. Cookies with some apple juice. I ain't mad at you. Cookies with some apple juice. I ain't mad at you. Cookies with some apple juice. Milk, milk, lemonade, round the corner for your name. With some apple juice, I'm just trying to get paid. Milk, milk, lemonade, round the corner for just made. Cookies with some apple juice, I'm just trying to get paid. Et voilà, on arrive à la fin de l'émission. Yes. Manière un peu brute, mais bon, c'est comme ça des fois. Mm. Les aléas du direct. Oui, évidemment. Ouais, c'était pas de chance, quoi. En tout cas, ça marche pas. C'était délicieux. Une bonne petite bière. Et des débats plein de réflexions et de... sur le rap. C'est vraiment pour passer le rap qu'on aime, hein, tout ça. Ouais. C'est toujours tout l'occasion ça, de passer voilà. ses rappeurs préférés, quoi. Exactement. On va pas se le cacher. Ouais. Mais en tout cas, un gros big up à Simon et plein ouais. de bonnes choses pour la suite, ouais, jusqu'à ce qu'il nous revienne. Je vous écouterai, les gars. Hein. Depuis la Belgique. Depuis la Belgique, je vous on écouterai aura des fans, avec plaisir. Tu feras la promo de l'émission. Exactement. Mm. Tu me passes des goodies que je distribue. C'est ça. Allez. Je veux des goodies. Ciao tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Yeah, ciao, à l'année prochaine pour moi. Yeah. Bye. Campus Bordeaux.